Je vous propose cette semaine de redécouvrir une série d'émissions diffusées en février 2019 en compagnie du théâtre de Tchekhov. Nous sommes dans une pièce que l'on continue à appeler la chambre d'enfant. Une porte donne sur la chambre d'Anya. C'est l'aube. Bientôt, le soleil va se lever. Nous sommes déjà en mai. Les cerisiers sont en fleurs, mais dans le jardin, il fait froid. Gelée blanche. Les fenêtres de la pièce sont fermées. C'est le début de la dernière pièce de Tchekhov, jouée en 1904, année de la mort de Tchekhov. La pièce s'appelle La Cerisaie, ou plutôt, comme le dit la comédienne Madeleine Renaud, La Cerisaie. Si nous avons choisi avec Jean-Louis, parmi les œuvres si belles de Tchekhov, La Cerisaie, c'est parce que elle nous a paru être au-delà des frontières. Le rôle de Madame Raniewski, n'est-ce pas, qui est à peu près l'héroïne de cette comédie si profonde et si humaine, ressemble à toutes les femmes qui sont dans la salle. Et je le sens bien parce que l'émotion du public me soulève moi-même d'émotion et fait jaillir la mienne si facilement. Quelle est la femme, la vraie femme, qui ne se reconnaît en Madame Raniewski? Et vous savez que la plus grande récompense que nous avons pu avoir, c'est que dernièrement, j'ai reçu une lettre de Madame Tchekhov-Nipper, qui a créé le rôle que j'ai joué à Paris, le rôle de Madame Raniewski. Et elle me disait que des amis russes l'avaient vue à Paris et avaient été satisfaits. Alors vous imaginez quelle récompense pour nous. Bonjour André Markovitz. Bonjour. Bonjour Françoise Morvan. Bonjour. Merci d'être présents tous les deux. Vous êtes tous les deux traducteurs de Tchekhov aux éditions Actes Sud. Vous étiez venu lundi dernier nous parler de Platonov et vous revenez aujourd'hui nous parler de La Cerisaie, de la première à la dernière pièce. Vous connaissiez cet extrait de Madeleine Renaud? Non, pas du tout. Moi non plus. Et elle a joué donc, elle parle de son rôle, elle l'appelle donc Madame Raniewski, c'est Lyubov Andreevna, oui. Un des personnages de La Cerisaie en 1955. Alors, qu'est-ce qui a changé entre la première pièce de Tchekhov et la dernière, Françoise Morvan? Ah, tout a changé. Tout a changé. Ah oui, c'est tramé sur le même fond, le domaine, la perte du domaine. Et comme on disait, un pas de plus au bord du gouffre. Voilà. On avait terminé l'émission lundi dernier avec le bord du gouffre. Et là, on commence au bord du gouffre ou on s'en approche encore plus? Non, on s'en approche, puisque à la fin, tout le monde s'en va. Alors tout le monde s'en va, c'est pas triste, tout le monde s'en va gaiement vers un destin qu'on devine absolument tragique. Mais voilà, donc c'est le thème c'est le même et tout a absolument changé puisque Platonov, une pièce écrite à l'adolescence, c'est une espèce d'énorme roman, d'énorme magma dans lequel le metteur en scène va forcément couper et qui dure donc 8 heures. Et la dernière pièce de Tchekhov, elle est écrite alors qu'il est mourant et c'est une épure. On est déjà passé à un autre type de théâtre. C'est vraiment le mot de la fin. Et le quatrième acte André de Marcus. La Cerisaie doit durer 23 minutes. Pourquoi ça? Parce qu'il y a 3 minutes avant la réplique qui dit qu'on part dans 20 minutes. Donc disons pas 23, mais 25 avec Fierce. C'est-à-dire que ça donne juste le temps de dire les répliques. Ce qui signifie que la nostalgie de La Cerisaie, elle n'existe pas. C'est pas qu'elle n'existe pas, mais c'est que on est déjà dans une pièce d'au-delà. Une pièce de fantôme. Une pièce où La Cerisaie est de toute façon un fantasme. Parce que, rappelez l'histoire en deux mots. L'histoire, c'est Lyubov Andreevna Raniewskaya, donc Madame Raniewski, rentre dans un domaine qui va être mis en vente. Et à la fin de la pièce, le domaine a été vendu. Voilà, c'est l'histoire. Hein. Je ne pense pas qu'on puisse ajouter beaucoup d'autres... Parce que d'abord, elle ne veut pas vendre et qu'il sera un peu vendu contre son gré. Parce qu'on ne peut pas... Elle n'imagine pas qu'on puisse vendre. Parce que c'est... On peut essayer de trouver plein de solutions, mais finalement, c'est impensable qu'il puisse y avoir une solution. Et une solution... La solution de Lopakhine, c'est une solution grandiose et très belle... mais qui est impensable. Bon, on va découvrir les personnages. Hein. Lopakhine voilà. Est un personnage clé. Oui, Lopakhine, c'est un ancien paysan, enfin, fils de paysan, fils de petit marchand du domaine, et qui est maintenant un banquier, et qui va acheter le domaine. Bon, on ouvre le livre ensemble. Voici le début du texte. Le show, boys. Слава Богу. Который час? Скоро два, уже светло. Да это на сколько поезд опоздал? Ну, часа на два, по крайней мере. А я-то хорош, какого дурака свалял. Нарочно приехал, чтобы на станции встретить. И уснул. Досада. Хоть бы ты меня разбудил. Я думала, что вы уехали. Comment vous attendais? Je n'ai pas fermé l'œil des quatre nuits du voyage. Je suis gelée maintenant. Vous êtes partie pendant le grand carême, il y avait de la neige, il gelait, et maintenant, ma bonne demoiselle. Comme je vous attendais, mon cœur, mon petit soleil. Il faut que je vous le dise tout de suite, je n'ai pas la force de tenir une minute de plus. Quoi encore? Le comptable Pikodov, après la semaine sainte, il m'a demandé ma main. Tu ne changeras jamais. J'ai perdu toutes mes épingles. Je ne sais même pas quoi penser. Il m'aime et il m'aime. Ma chambre, mes fenêtres, comme si je n'étais jamais partie. Je suis chez moi. Demain matin, je me lève. Je cours dans la cerise. Oh, si je pouvais m'endormir. Je n'ai pas dormi de tout le voyage. J'étais tellement inquiète. Les extraits que vous allez entendre au cours de cette émission sont tirés d'une pièce enregistrée à la Comédie Française, mise en scène par Alain Françon, avec votre traduction, André Markovitch et Françoise Morvan, en 1998. C'est Catherine Ferrand qui joue le rôle de Lyubov Andreevna Ranevskaya. Varia est jouée par Muriel Mayette et Anya, Anne Kessler, Lopakine, Thierry Ancise, et je vous dirai les autres quand on les entendra. Tout commence avec un retour. Après 5 années d'absence, la mère et sa fille rentrent à la maison, c'est-à-dire dans le domaine où se trouve cette cerisée. Et le détail qui est très important et qu'on va retrouver tout au long de la pièce, c'est qu'il fait très froid. Les cerisiers sont en fleurs, mais il fait froid d'un froid, donc personne n'arrive à se réchauffer. Françoise Morvan. En fait, la cerisée, c'est comme des éléments d'un rêve qui sont mis en place. Donc, on est effectivement au début, on nous indique qu'il est 2h du matin, mais il fait déjà jour. C'est une heure impossible, dans une lumière improbable. Et tout se déroule ensuite sur ce fond de soleil bleu, de froid, de blancheur de la cerisée. C'est, comment dire, les couleurs, le paysage autour sont absolument essentiels, comme d'ailleurs les déplacements de lumière, tout est pensé comme une espèce de film. C'est un rêve qui se déroulerait avant même l'invention du cinéma en couleur. Bien sûr, bien longtemps avant. Mais la question, c'est que le problème qui se pose, c'est-à-dire on est dans la cerisée et on va être chassé parce que la cerisée va être vendue pour dette. Parce qu'il n'y a plus d'argent, oui, c'est ça le fond de l'affaire. Oui, il n'y a pas d'argent. Mais le problème est posé sans arrêt, mais Lopakine propose une solution tout à fait viable. Tout le monde le considère comme un imbécile, mais le problème se pose, mais il n'y a pas lieu de le résoudre. Parce que peut-être qu'un jour, il va se résoudre, on ne sait jamais. C'est exactement le portrait de la Russie au bord de la Révolution. C'est-à-dire, on sait qu'il va se passer quelque chose, mais d'ailleurs, quand on disait que toutes les femmes se reconnaissent dans Lyubov Andreevna, personnellement, je ne me reconnais pas du tout. Et je pense que Tchekhov a voulu positionner un personnage extrêmement positif, toujours gentil, je veux dire, qui s'exprime sur un ton très doux, qui donne son argent à n'importe c'est qui. C'est la mère. C'est la mère, voilà, personnage principal, on peut le dire. Oui. Et on parlait de Madeleine Renaud en début d'émission. Oui. Qui n'a plus d'argent et qui ne cesse de donner le peu d'argent qu'elle a à tout le monde. Oui. Personnage extrêmement antipathique. Ah bon? Ah ben, si on ne le joue pas comme ça. Mais dans Tchekhov, il y a toujours un léger décalage. Alors, on peut jouer Lyubov, voilà, je perds ma cerisée, c'est tragique, c'est affreux, elle est si belle. Elle termine en disant, ma pauvre maman, comme elle était là. Je veux dire, ces personnages qui ne font rigoureusement, c'est Platonov, Lyubov Andreevna, c'est des désastres ambulants. Et pourtant, vous dites que tout a changé entre la première pièce et la dernière pièce. Ah bah, tout a changé, puisque le jeune Tchekhov est capable de faire une pièce avec 5 conclusions. Pour les metteurs en scène actuels, c'est formidable, l'embarras du choix. Alors que la cerisée, c'est une épure. C'est au bout de 5 ou 6 représentations, on commence à comprendre certaines choses qui sont mises en place. Donc, Lioubov Andreïevna est un personnage central, extrêmement positif apparemment, totalement désastreux en fait, et tout est inversé. Et tout est entre le comique, parce que nous, on a toujours traduit Tchekhov en passant notre temps à rire. Donc, on est dans un espèce d'entre-deux. Mais l'impression d'avoir traduit cette pièce en vivant comme dans un rêve, et de la retrouver à chaque fois, de la voir jouer comme dans un rêve, c'est exactement, je pense, ce que Tchekhov a voulu faire. C'est la différence, oui. Parce que c'est une épure. Ouais. Tout est minutieusement. Et d'ailleurs, il a écrit place. Ligne après ligne. Non, il était mourant, ouais, donc il écrivait mourant. Ligne par jour. Il écrivait parfois une réplique par jour. Mais André Markovitch, imaginez ce que c'est cette cerisée. Quand Lopakhin donne la solution de donner 1 hectare par locataire, 1 hectare, c'est immense. Et on dit, et il y a 25 000 hectares. C'est hallucinant. C'est une immensité. Et ça, c'est une chose. Et d'ailleurs, personne... Enfin, Alain François a fait attention à ça. Mais très souvent, je vois des gens qui disent que Lopakhin propose de construire des bungalows. Ce qui est une monstruosité. Parce que Lopakhin, au contraire, il propose, comment dire, un système dans lequel chaque personne pourra avoir... une propriété dans laquelle il pourra vivre sur 1 hectare. Bah, écoutons-le voilà. Proposer sa solution aux grandes dames, voilà. Celles qui l'écoutent, voilà. Et qui ne sont pas du tout prêtes à vendre la cerise. Voilà. J'ai envie de vous dire quelque chose de très agréable, de joyeux. Il faut que j'y aille, pas le temps de bavarder. Bon, je vous dis ça en 2-3 mots. Comme vous le savez, votre cerise sera vendue pour dette. Les enchères sont fixées au 22 août. Mais ne vous en faites pas, ma bonne amie, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles, il y a une issue. Voilà mon projet. Attention, s'il vous plaît. Votre domaine n'est situé qu'à 20 verstes de la ville. Le chemin de fer passe tout près. Prenez votre cerisaie et toutes les berges de la rivière. Faites-y des lotissements. Vous les louez ensuite aux estivants pour leur datcha. Et vous avez au bas mot 25 000 roubles de revenus par an. Je vous demande pardon, mais quelle bêtise. Je ne vous suis pas très bien, Yermolaï Alexeïtch. Les estivants, vous leur prendrez au bas mot 25 roubles l'hectare par an. Et si vous faites l'annonce dès maintenant, ma main au feu, que d'ici l'automne, vous n'aurez plus un lopin de libre, tout le monde sautera dessus. Bref, félicitations, vous êtes sauvés. L'endroit est merveilleux, la rivière profonde. Seulement, bien sûr, il faut mettre un peu d'ordre, faire le ménage. Par exemple, disons démolir toutes les vieilles bâtisses. Cette maison ici, juste bonne à mettre par terre. Raser la vieille cerisaie. La raser ? Mon cher, excusez-moi, vous ne comprenez rien. S'il y a quelque chose d'intéressant dans toute la province, d'extraordinaire même, c'est notre cerisaie. Tout ce qu'elle a d'extraordinaire, cette cerisaie, c'est qu'elle est grande. Les cerises donnent 1 an sur 2, et même comme ça, on ne sait pas quoi en faire, personne ne les achète. Elle est même mentionnée dans l'encyclopédie, cette cerisaie. Si nous ne trouvons rien, si rien ne se décide, le 22 août, la cerisaie et le domaine avec, tout sera vendu aux enchères. Décidez-vous donc, il n'y a pas d'autre issue, je vous le jure. Il n'y en a pas. Dans l'ancien temps, il y a 40-50 ans, les cerises, on en faisait des confitures, des fruits séchés ou des fruits en bocaux, des cerises à l'eau de vie. Et parfois... Tais-toi un peu, Fierce. Parfois, les cerises séchées, on les envoyait à Kharkov et à Moscou par tombereau. L'argent que ça donnait. Et la cerise séchée, elle était tendre, juteuse, sucrée. Elle sentait bon. On avait une recette dans ce temps-là. Et où est-elle maintenant, cette recette? Oubliée, personne ne s'en souvient. Quoi de neuf à Paris? C'est comment? Vous avez mangé des grenouilles? J'ai mangé des crocodiles. Voyez-vous ça? Jusqu'à présent, dans les campagnes, il n'y avait que des maîtres et des moujiks. Maintenant, en plus, il y a les estivants. Toutes les villes, même les plus petites, sont entourées de datchas. Et ça, on peut le dire, l'estivant, dans 20 années, il se sera multiplié jusqu'à l'extraordinaire. Pour l'instant, il se contente de prendre le thé sur son balcon. Mais n'est-ce pas, il peut bien se faire que, sur son unique hectare, il se mette à l'agriculture. Et à ce moment-là, votre cerisaie, elle deviendra heureuse, riche, magnifique. Quelle bêtise! La recette de la cerise séchée, c'est sur France Culture, les chemins de la philosophie que vous l'écoutez. C'est le personnage de Fierz dans La cerise et d'Anton Tchekhov qui nous accompagne cette semaine, aujourd'hui en compagnie de Françoise Morvan et André Markovitch qui ont traduit ce texte ainsi que tout le théâtre de Tchekhov. Fierz est joué par Michel Robin dans ce que l'on vient d'entendre et Lopakhine, Thierry Ancize. Cette solution qu'il apporte, alors on l'entend, il doit revenir à plusieurs reprises parce qu'on lui dit mais quelle bêtise, au fond tout le monde sait qu'il a raison. Mais la bêtise, c'est juste de dire, mais tu dis ce qu'on n'a pas envie. Non, tu dis la vérité, donc c'est ça la bêtise, en fait, non? Non, pas vraiment. C'est que il y a une bâtisse avec 20, 25 pièces qui, depuis toujours, enfin pour Lioubov et son frère, incarne l'endroit où on réside. Et comment l'idée de faire des datchas, c'est vulgaire. Donc, la cerisée va être vendue, mais potentiellement, elle pourrait ne pas être vendue. Quand on vit toujours dans l'irresponsabilité, ce que propose Lopakhine, c'est de regarder la situation en face. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qu'on appelle bêtise, André Markovitch. Oui. La cerisée, c'est une pièce sur l'impossibilité dans laquelle sont les gens de regarder la mort en face. Lioubov Andreevna est parti. A quitté le domaine pour une raison très sérieuse, c'est que son fils s'est noyé dans la rivière. Et donc elle est partie. Et quand elle revient, elle n'arrive pas à regarder par la fenêtre du wagon, elle n'arrive pas. Lopakhine n'arrive pas à considérer que quand il dit que la rivière est profonde, quand il dit ça à Lioubov Andreevna, il dit monstruosité. Parce que la rivière est réellement profonde et c'est très bien pour la baignade et pour l'irrigation. Et l'impossibilité dans laquelle les gens sont de mettre ensemble différents plans de conscience. Comment personne ne peut vivre en dehors de son enfance. Et c'est de ça que parle la cerisée. Face à l'enfance éternelle, pour chacun d'entre nous, aucune réalité n'a de valeur. Même si cette incapacité dans laquelle nous sommes de prendre en compte la réalité nous amène nous-mêmes à notre perte et à notre mort. C'est ça que dit la cerisée. Donc c'est une pièce à la fois moins sur la nostalgie que sur l'impossibilité de regarder ce qui nous attend. Je pense qu'il n'y a aucune nostalgie dans la cerisée. Moi, je ne la vois pas. C'est pas non, c'est encore une fois les strates de Tchekhov par transparence qui laissent voir autre chose que ce qui est dit. Là, à la fin, les personnages sont très contents de partir. C'est catastrophique. Ils vont se perdre. Tout le monde pense très bien qu'ils n'ont aucune chance de survivre. Mais Lioubov dit « je dors mieux. Mes nerfs vont beaucoup mieux depuis que tout est décidé. » C'est cette espèce de soulagement de savoir que voilà, c'est fini, le problème est résolu, mal sans doute, mais bon. Donc on passe à autre chose. Et c'est pour ça que Tchekhov disait, mais qu'est-ce que c'est que cette fin mélancolique? Il disait 20 minutes. C'est dit, 20 minutes. Mais 20 minutes, oui, on embarque les bagages, on s'en va. Et puis. Et c'est pour ça qu'on oublie Fierz. Oui, alors Fierz, on l'a entendu, hein, c'est le valet, enfin je ne sais pas comment on l'appelle, valet qui donne la recette des cerises séchées. Il la donne. Il l'oublie. Voilà. Il savait qu'il y en avait une. Ouais. Mais lui, il est toujours resté dans la maison. Il n'a jamais été paysan. Il ne sait pas du tout qu'est-ce qu'on fait avec les cerises. Juste, il sait qu'il y en avait. C'est tout. Ça, c'est très présent dans la pièce. On parlait du contexte politique très présent, enfin de la Russie très présent dans Platonov. Ici, il y a aussi une nouvelle Russie qui se dessine, les domestiques qui restent et qui changent de place. Même Lopakhine est issu d'une transition dans les classes en Russie. C'est ce qu'il dit. Le père de Lopakhine était un petit commerçant qui avait été un serf, c'est-à-dire un moujik, il dit. Un moujik, oui. C'était en gros comme l'image du père de Tchekhov. Et tout à coup, lui, Lopakhine, par son travail, se retrouve à brasser des sommes considérables. Il faut se rendre compte de ce que c'est. Il achète le domaine, 90 000 roubles, plus la dette. En gros, on avait calculé que ça fait 150 000 roubles. On ne se rend pas compte de ce que c'est 150 000 roubles. Le salaire mensuel de Medvedenko dans la mouette, dans l'instituteur, c'est 23 roubles par mois. C'est-à-dire, c'est une somme hallucinante que personne n'a vue. Et donc là, c'est le Mouji qui se retrouve à avoir beaucoup plus d'argent à racheter le domaine de ses maîtres. De ses maîtres. Et d'avoir plein d'argent. Et d'ailleurs, pour en faire quoi, on ne sait pas, parce qu'il fait du pavot, ce qui est aussi un truc incroyable. Il y a plein de petits détails qui sont indiqués comme ça. Parce qu'apparemment, Lopakhine, c'est le méchant. Bon, il arrive, il propose une solution ridicule. Vous avez un magnifique domaine et vous allez faire des lotissements. Donc c'est absurde, mais c'est pas du tout absurde parce que ce sont pas des lotissements. Et d'autre part, là où il perd sa chance de se faire entendre, c'est quand il parle de la rivière, sans penser, se souvenir du fait que l'enfant s'y est noyé. Et d'autre part, il dit il va falloir démolir cette bâtisse. La solution était très simple, faire un lotissement partiel ou proposer quelque chose, mais la solution passe absolument à côté. Donc voilà, là. Il faut faire table rase du passé pour Lopakhine. Mais là, oui, pour Lopakhine, et vous dites même pour Lyubov, finalement, c'est pas une pièce nostalgique, mais elle dit quand même à propos de la cerisée, elle dit mon enfance, ma pureté, c'est dans cette chambre d'enfant que je dormais, c'est de là que je regardais la cerisée, le bonheur s'éveillait avec moi tous les matins, et elle était exactement comme aujourd'hui, rien n'a changé, blanche, toute blanche, oh ma cerisée. Elle était heureuse lorsqu'elle était enfant, alors que là, elle a perdu son fils, elle n'a plus d'argent. Mais regardez comment les mots que vous employez. Qui sont les vôtres, hein, d'ailleurs. Enfin, ceux de Tchekhov traduits par. Oui, oui, mais ces mots-là, c'est en fait des mots communs, des lieux communs littéraires. C'est des lieux communs du romantisme, du sentimentalisme. Le bonheur s'éveillait avec moi. Personne n'a dit ça. C'est presque. Alors, comment vous expliquez ces lieux communs? C'est pour. Mais elle vit dans le lieu commun. Elle vit dans le lieu commun. Ce qui ne l'empêche pas d'être nostalgique. Mais bien sûr. Mais. Françoise Morvan. C'est ça qui est très, très difficile à rendre. C'est le fait que ce sont des lieux communs. Bon, alors, elle est partie, elle a quitté cette cerisée, elle a complètement oublié, elle a dépensé tout l'argent. En aimant un autre homme qui s'est saoulé, l'a quitté pour une autre. Oui, alors en se le reprochant amèrement parce que son cœur est très tendre. Donc, à un moment, elle a une bouffée de sentimentalité. Alors, on peut la jouer très, très nostalgique, très, très vrai, et c'est très beau à entendre. Mais ce ne sont que des lieux communs. À la fois, elle a des bouffées d'émotions fausses, enfin, d'émotions totalement vraies, mais exprimées de manière vraie aussi. Mais voilà, c'est dans un instant quelque chose qui vient comme une chansonnette. Qu'on a entendu, elle est dans la chambre des enfants, donc la chambre où elle était avec son frère, et elle retrouve son passé et elle le dit d'une manière très belle, mais derrière cette beauté, il faut qu'on voit que c'est faux. Donc du coup, on n'arrive pas à la situer. Quand elle parle du passé, c'est un peu faux, c'est des lieux communs. Dans le présent, elle ne s'y sent pas très bien parce qu'elle est un peu triste, elle ne sait pas où elle va aller. Elle est vraiment comme ce fantôme qu'elle croit voir dans le jardin, sa mère. Oui. Exactement. Et ce qui a été très difficile de traduire sa façon de parler à elle, c'est cette façon évanescente. Ces gens qui parlent, et c'est très doux, mais en même temps, ça dit autre chose que ce que ça dit. Oui, André Markovitch. On avait déjà. Enfin, souvent parler de ça quand on parle de la cerisée, mais c'est comme une chose fondamentale pour nous. Quand, au début de la pièce, Varia ouvre la fenêtre et dit les oiseaux qui chantent, les étourneaux qui chantent. Et on peut très bien considérer, et elle le considère comme quelque chose de bucolique, de romantique et tout. Et Françoise me dit, mais vous êtes sûr que c'est des étourneaux? Et je regarde le mot. Ben oui, c'est des étourneaux. Mais dans ce cas, Françoise me dit, mais... Mais c'est quand même l'intendant du domaine qui est devant la cerisée, donc qui doit rapporter normalement des fruits, et qui dit « Ah, comme c'est beau, les étourneaux chantent dans la cerisée ». Pour un jardinier, les étourneaux, ils arrivent par dizaines de milliers et ils ravagent tout. Donc, oui, on ne s'extasie pas devant la beauté des étourneaux quand on est jardinier, parce qu'ils nuisent plutôt aux récoltes. Oui. Quand on est intendant, non plus. Ouais. Donc, bon, là... Et donc, vous l'expliquez comment ? C'est très beau. C'est une erreur de la part de Tchekhov ? Ah non, parce que dans une nouvelle, Tchekhov met en scène un jardinier qui dit « Mais voilà les étourneaux ». Donc, quand Tchekhov met un petit détail en place, c'est qu'il s'est parfait. Non, jamais. Jamais. Absolument jamais. Alors que c'est passé du domaine. C'est que c'est pas le domaine économique, c'est le domaine esthétique. Et d'autre part, ça veut dire que c'est loin. Oui, parce que si vous entendez les étourneaux qui chantent, sincèrement, c'est pas du tout agréable. Alors justement, on entend quelque chose dans la pièce qui est très bizarre. Un bruit étrange qui revient à trois reprises dans la pièce. On n'arrive pas trop à le décrire. Enfin, les personnages vont tenter de le décrire dans ce que vous allez entendre ici. Ce qui montre bien, comme vous le dites, André Markovitch, qu'on passe ici d'un certain domaine au domaine surtout esthétique. Comme par touche, on entend, on voit, on dit des choses qui ne font pas forcément sens, mais qui contribuent à produire ce tableau si particulier qu'est la cerise. Le soleil s'est couché. Oui. Ô nature, ô divine, toi qui, indifférente et belle, brille d'un éternel éclat, toi que nous nommons notre mère, tu unis en toi la vie et la mort. Tu donnes la vie et tu la détruis. Tonton ! Oncle Lionia, tu recommences. Jouais plutôt la rouge par la grande bande. Je me tais. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Là-bas dans les mines, très loin, une benne qui est tombée, mais c'est très loin là-bas. Ou un oiseau, peut-être. Une espèce de héron. Ou un grand-duc. Une impression pénible. Comment dire ? Avant le malheur, c'était la même chose. La chouette qui ululait, le samovar qui ronflait tant que tant. Avant quel malheur ? Avant la liberté. L'ancien esclave, nostalgique sans doute de sa condition d'esclave. Alors, le bruit, on l'a pas vraiment entendu ici, mais on entend la réaction des personnages. C'est pas plus mal, peut-être parce que dans le texte, on ne sait pas quel est ce bruit. Comment vous l'appelez ce bruit, vous ? Alors, Françoise Morvan. Quand la première fois, nous avons traduit la cerisette pour Stéphane Brancheck, je déclare au moment... Ah oui, un bruit de benne qui tombe, mais c'est très loin, de vaches qui meurent dans une étable. Ou de cordes qui se cassent. De cordes qui se cassent, je dis oui, ça doit être un buteur étoilé. C'est quoi un buteur ? C'est un petit héron, Gaïef le dit d'ailleurs. Et moi je dis ah. Donc André me dit, mais qu'est-ce que c'est un buteur étoilé ? Je lui dis, c'est un genre de petit héron, on l'entend à 1 kilomètre, et en fait il fait un bruit de creux. Et je lui dis, c'est extraordinaire d'avoir mis ce bruit d'un extraordinaire d'un oiseau juste en plein milieu de la pièce. C'est un bruit de vide, c'est la maison qui explose en somme. C'est en même temps le bruit de la respiration. Tchekhov qui est en train de mourir d'étouffement. Mais là, le bruit des cavernes. Comment dire ? Ce n'est pas un bruit, c'est une résonance. C'est comme un galet qu'on jette dans l'eau, fait des cercles autour de lui. Et là, c'est un oiseau qui a une sorte de corde qui se tend et dans le gosier. Et le bruit se répercute. Alors, je dis, ce qui est extraordinaire, c'est que il travaillait quand même avec Stanislavski, Tchekhov, et il assistait aux répétitions. Et il a fait en sorte de ne jamais dire que c'était le butor. Donc c'est vous qui le dites, en fait. Moi, je le dis. Ouais. Alors là, dans la représentation de la cerisée, Alain Françon n'avait pas mis le son du butor. Mais on entend comme un roulement de très lointain, comme une bille qui roule sur une table. Et comme il joue au billard, on se dit que c'est peut-être le bruit de la bille sur le sur le. Ça faisait partie tapis. Des erreurs qu'Alain a commises. Et ensuite, il a refait une mise en scène, alors prodigieuse, à la colline, et en partant du son du butor. Il a mis deux fois, il n'a pas pu le mettre trois fois. Non, c'est, en c'est, revanche, c'est deux fois. Il l'a mis qu'une seule, mais je parlais tout. Oui, mais on entend exactement le bruit on peut aller sur Internet, on entend le mais le chant. Mais il n'est pas anodin que le moment où arrive ce chant ou ce bruit, c'est un moment où vous l'avez entendu. On a Gaëv, qui est le frère, hein, qui habite lui à la Cerisaie de Lioubov, qui parle. Alors, après vous avoir écouté l'un et l'autre, on entend ici la façon de parler qui est pour le coup pleine de lieux communs, d'affectation. Il parle de la nature et tout d'un coup, un bruit sourd. Wow. Comme si, bah, exactement. Moi j'entendrais presque un rappel de la mort qui arrive. Bien sûr. C'est le chant du butor, c'est exactement le bruit de la mort. Mais ce qui est grandiose dans cette histoire, c'est que donc, alors, moi je suis quelqu'un qui est un butor, et puis je regarde que Tchekhov parle de ce bruit. Et il dit que c'est l'oiseau s'appelle bougaï. Et moi, bougaï, je ne sais pas ce que ça veut dire en russe. Je regarde dans le dictionnaire russe et je trouve Ardea stellaris, qui est butor étoilé. Donc la chose est absolument claire. Mais, donc pourquoi? D'une part, hein, c'est ce que dit François, c'est ce bruit de creux. Mais la deuxième chose, c'est que c'est aussi une blague, et une blague terrible vis-à-vis de Stanislavski. Stanislavski dit... L'acteur doit... Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas... C'est le metteur en scène qui révèle Tchekhov au monde et en fait, le fondateur du théâtre moderne. Voilà, c'est ça. Voilà. Il a beaucoup écrit sur le jeu d'acteur. Voilà. Et le théâtre moderne se crée sur les pièces de Tchekhov. Bon. Et Stanislavski dit que c'est par le vécu du personnage, le vécu de l'acteur, que le personnage se retrouve, qu'on doit trouver. Et donc, ce que dit Tchekhov, sans le dire, c'est... Tu veux que la réalité te donne ton jeu? D'abord, apprends à reconnaître un bruit. Mais il y a une deuxième chose qui est une blague très sérieuse. Quand bien même tu saurais que c'est un butor étoilé, à un moment où il n'y a pas de magnétophone, où tu n'as aucun moyen de fixer ce bruit, essaye toujours de faire chanter un vrai butor étoilé tous les soirs à 21h30 et 23h20. C'est-à-dire que le théâtre, quand bien même tu saurais, le théâtre et la vie, c'est pas pareil. Et c'est ce qui s'est passé avec Alain Françon dans la deuxième mise en scène de La Cerisaie, c'est qu'il a mis le bruit au milieu, c'était grandiose, extraordinaire, le vrai bruit du butor étoilé. Et il a essayé de le mettre à la fin, là où Tchekhov l'a écrit, sur le dernier monologue de Fierce, qui était joué par Jean-Pierre Roussillon, dont c'était le dernier rôle. Et Jean-Pierre avait dit que c'était son dernier rôle, et il savait qu'il allait mourir après, et c'est ce qui s'est passé. Alors malheureusement, on ne pouvait pas l'entendre ce matin, car l'enregistrement de la pièce que nous avions n'était pas diffusable à la radio. Voilà. C'est pour ça qu'on entend ça. C'était un moment, un des grands, grands, grands moments de beauté de notre... en général, je pense, du théâtre en France. Et là, Alain voulait mettre ce bruit, mais il n'a pas pu. Parce que Roussillon était beaucoup plus fort que le bruit. Alors, on avance dans le texte, à l'acte 2. On était déjà à l'acte 2 avec ce bruit du butor, donc. Ici, nous avons l'étudiant. On n'a pas parlé de l'étudiant, Trofimov, qui habite dans la Cerisaie. C'était celui qui s'occupait du petit garçon qui est mort à l'âge de 7 ans, donc le fils de Lioubov, et qui est resté là. Donc, quand elles reviennent de voyage, la mère et la fille, elles retrouvent Trofimov qui est là et qui aime beaucoup Anya. Sans doute se séduit-il, et Varia, sa sœur, sa demi-sœur, est assez jalouse. Et ici, il revient, alors maintenant on va être attentif à la façon qu'il a de parler, un peu comme des mots presque préfabriqués, mais pour essayer de réconforter Anya et de même de s'adapter à la situation, en disant, mais finalement, comment ça, la cerisée, on va la vendre? Mais c'est toute la Russie qui est notre cerisée, écoutez-le. Tout est si beau ici ce soir. Oui. C'est un temps splendide. Qu'avez-vous fait de moi, Pétia? Pourquoi la cerise m'est-elle moins chère qu'avant? Je l'aimais si fort, il me semblait qu'il n'y avait pas au monde d'endroit plus beau que notre cerise. Toute la Russie est notre cerise, la terre est vaste et belle, il y a beaucoup d'endroits splendides. Imaginez, Anya, votre grand-père, votre arrière-grand-père, tous vos ancêtres possédaient des esclaves, ils possédaient des âmes vivantes. Et ne sentez-vous pas dans chaque fruit de votre cerisée, dans chaque feuille, dans chaque tronc d'arbre, des créatures humaines qui vous regardent? N'entendez-vous donc pas leur voix? Possible des âmes vivantes, mais cela vous a dégénéré, vous tous, vivants et morts, si bien que votre mère, vous, votre oncle, ne voyez même plus que vous vivez de dettes sur le compte des autres, le compte de ces gens que vous laissez à peine entrer dans votre vestibule. Nous sommes en retard de moins de siècles, nous n'avons rien de rien. Pas de rapport défini avec notre passé. Nous ne faisons que philosopher, nous plaindre de l'ennui, boire de la vodka. C'est tellement clair. Pour commencer à vivre dans le présent, il faut d'abord racheter notre passé, en finir avec, et on ne peut le racheter qu'au prix de la souffrance, au prix d'un labeur inouï et sans relâche. Comprenez ça, Amia. La maison dans laquelle nous vivons n'est plus notre maison depuis longtemps déjà. Et je partirai, je vous en donne ma parole. Si vous avez les clés de la propriété, jetez-les dans le puits et partez. Avant de commenter l'extrait lui-même, André Markovitch, en écoutant l'extrait, je me dis que finalement, chez Tchekhov, philosopher, à chaque fois qu'il emploie ce terme, il l'emploie beaucoup. C'est toujours de manière péjorative, en fait. Oui, perdre son temps. Oui, c'est perdre son temps, philosopher. Lui qui pourtant a vraiment une attitude philosophique dans son écriture et dans ce qu'il dit dans ses pièces. Mettre un discours préétabli sur une situation donnée, c'est ne pas voir la vie telle qu'elle est. Et c'est ce qui se passe avec Trofimov. C'est Trofimov, il dit ça. Et en même temps, c'est caoutchouc, c'est au quatrième acte, c'est pas lui qui va aller chercher, c'est Anya. Oui, il trouve pas, il arrive pas à s'adapter. Voilà. Et c'est Anya qui et tout est là. C'est la révolution russe, c'est de grandes idées, et les caoutchoucs, c'est les autres qui les trouvent. Mais pourquoi Tchekhov est-il si dur? C'est l'anti-intellectualisme? Non, c'est Françoise Morvan. C'est à chaque fois, c'est à penser en situation. Parce que là, on a un personnage, c'est Trofimov, donc qui ne fait que philosopher. En fait, il ne fait rien. Il est totalement inutile. Donc, ce qu'il propose comme solution pour en finir avec le problème des ouvriers qui sont pauvres et des paysans qui meurent de faim, c'est de jeter les clés dans la rivière, pratiquement dans le puits. C'est ce qu'il propose. Il accuse les intellectuels de ne faire que philosopher, mais lui ne fait que philosopher. Et ensuite, c'est le futur bolchevique. Alors Elsa Triolet trouvait que c'était le plus beau rôle qui avait traduit Tchekhov. Oui. Elsa Triolet, oui. Et qui était communiste. Donc il y a eu des versions de la Cerisaie communiste où Trofimov a de grands discours, c'est en plein cœur de la pièce aussi. Voilà, nous devons nous battre pour le peuple. Mais encore une fois, c'est des très beaux discours, sauf que c'est plein de lieux communs. Mais c'est plein de lieux communs parce que c'est dit par quelqu'un qui ne fait rien. C'est assez proche de Platonov aussi, finalement. Mais est-ce que Tchekhov a conscience que ce qu'il fait dans son théâtre, la lucidité extrême avec laquelle il dépeint ses personnages et les questions qu'il pose sont essentiellement philosophiques? Mais bien sûr, mais évidemment. Sauf que il voit en même temps tous les intellectuels de son temps, encore une fois, apprendre aux gens comment il faut vivre. Mais c'est ça qu'il n'aime pas. Voilà. Et ce contre quoi Tchekhov est, c'est l'idéologie. Les discours politiques comme ça, abstraits. Ce que faisait Tchekhov dans la vie, il défendait ses droits d'auteur qui étaient grands, à construire des écoles, à acheter des livres, à soigner les gens, concrètement. Alors qu'il avait la tuberculose et qu'il était épuisé, il passait son temps à s'occuper des gens, concrètement. Pourtant, il est très dur avec les médecins dans ses pièces. Bien sûr. Mais il est dur. C'est des médecins qui ne soignent pas. Justement. Oui. Mais oui. Et nous, quand on a visité le domaine de Tchekhov, c'était tellement extraordinaire de voir ça. Comment la première chose qu'il avait faite, c'était un cabinet de soins gratuit pour les paysans des environs. Et comment lui, il faisait attention justement, mais aux gens, pas au peuple, aux gens. Et ce que fait Trofimov, c'est qu'est-ce que qu'il faut comment on est en retard de 200 ans, il faut expier. Mais ça veut dire, alors c'est très beau, il faut expier. Mais ça veut dire quoi concrètement? Bon bah concrètement, voici ce qui se passe quand Lopakhin, qui avait proposé sa solution, est allé à la vente aux enchères de la Cerisaie, bah un peu contre toute attente et presque contre son gré, il se retrouve à acheter la Cerisaie. Écoutez. Alors, la banque, raconte enfin. Elle est vendue. Elle est vendue. Qui l'a achetée? Moi. C'est moi qui l'ai achetée. Attendez, messieurs, dames. Soyez gentils, tout se mélange dans ma tête. J'ai du mal à parler. On arrive à la vente, il y avait déjà des Riganov. Léonid Andreïch, il avait que 15 000 d'Eriganov d'entrée de jeu, en plus de la dette, il est 30. Je vois le coup. Je me jette contre lui, je mets 40, lui 45, moi 55. Donc lui, il monte par 5, moi par 10. Bon, on a vu la fin, en plus de la dette, j'ai mis 90. J'ai emporté le morceau, maintenant la cerise est à moi. Ah bon? Mon Dieu Seigneur, la cerise est à moi. Dites-moi que je suis ivre, que je suis fou, que c'est moi qui me figure tout ça. Ne vous moquez pas de moi. Si mon père et mon grand-père se levaient de leur tombe, s'ils voyaient cette aventure, leur Yarmolaï qui cognait, le Yarmolaï qui savait à peine lire, qui marchait pieds nus en plein hiver, oui, ce même Yarmolaï a acheté un domaine qui est le plus beau du monde. J'ai acheté le domaine où mon père et mon grand-père étaient esclaves, où ils n'avaient même pas le droit d'entrer à la cuisine. Tout l'intérêt de cette scène réside sans doute dans son ambiguïté, parce qu'on entend derrière le rire de Lopakine les larmes des personnages derrière qui n'ont pas du tout envie de vendre la cerisée, et sans doute de Lyubov elle-même. Et on ne sait pas s'il faut se réjouir, parce qu'on se trouve plutôt bien que quelqu'un qui était serviteur dans cette maison puisse l'acheter, quelque chose d'une libération, mais on sent qu'en fait la réjouissance n'est pas totale. Françoise Morvan. C'est Tchekhov. Cette ambiguïté. Tout est dit. C'est un moujik, misérable parmi les misérables, et qui se trouve à la tête d'une colossale fortune, gagnée par lui-même. Comment d'ailleurs, à force d'intelligence certainement. Mais voilà, le capitalisme triomphe. Donc tous les spectateurs sont effarés et bouleversés, et tout le monde... éprouve du chagrin pour Lyubov. Mais voilà. C'est mais lui-même, quand il revient après, il se met à pleurer. Oui, mais lui-même, quand il fait le récit, il le raconte, et c'est sans doute vrai, il n'a pas de raison de mentir, qu'en fait, il n'avait jamais pensé lui-même l'acheter, que c'était pour éviter que la maison parte trop vite ou soit pas achetée assez cher, qu'il enchérit et qu'il se retrouve propriétaire. L'enchaînement, en effet, ça donne cette impression. Ouais. Mais il avait forcément... Il avait mis de côté les capitaux. Ah, vous pensez qu'il l'avait en tête? Pour pouvoir acheter, ouais. Sinon il n'aurait pas pu les mobiliser comme ça. Puisque, André Marchand. De fait, c'est obligatoire que ce soit comme ça, parce que c'est vendu comptant. Donc l'argent, il est venu avec. Mais, comment dire, il rit et il pleure en même temps. Et c'est insupportable. Et il dit, je peux payer pour tout. Et la façon dont il dit que quand il a fait la fin des enchères, il a dit, nous avons vu la fin. Mm. La phrase, elle est... Vous voyez, le premier sens, c'est on a vu la fin des enchères. Mais non. Le vrai sens, c'est nous avons vraiment vu la fin. Et c'est une fin qui est une catastrophe et qui est un triomphe. Et personne ne peut payer pour tout. On gardera toujours le poids des ancêtres dans notre nuque, quoi, derrière le dos. Et tout est condamné déjà à être... à la ruine. Et quand on pense que c'est 1904... Donc l'année de la mort de Tchekhov. Ouais. Et après,13 ans plus tard, c'est la Révolution. Donc voilà. Est-ce que vous expliquez de cette manière-là le choix de terminer la pièce avec le personnage de Fiers, le serviteur, qui alors est hospitalisé pendant la vente aux enchères et qui, lorsqu'il revient à la maison, tout le monde est parti. Il se retrouve seul et c'est lui qui a le mot de la fin. Il est resté à la maison. On devait l'envoyer à l'hôpital, mais on l'a pas trouvé. On l'a oublié. Ah oui, il n'est pas à l'hôpital, oui, c'est non, ça. On ne sait pas où il est. Il est resté à la maison. C'est à partir du moment où c'est Yasha, un autre personnage qui est très intéressant aussi, parce que c'est... C'est pas la bourgeoisie montante, mais c'est cette espèce de classe intermédiaire de futurs exploiteurs. C'est moral, donc, quoi. Yasha a été envoyé pour chercher le vieux serviteur qui est malade. Mais bon, lui, il avait envie de boire du champagne, donc il l'a pas cherché. On sait très bien qu'il l'a pas cherché. Donc... Et pourquoi c'est lui qui a le mot de la fin, alors? Firs? Le mot de la fin, c'est propre à rien. Propre à rien. La vie, elle a passé, on n'a comme pas vécu. La vie, oui, ça, c'était vraiment... Ça, c'est une réplique qui était très, très difficile à rendre. Mais... Et quand les comédiens le disent faux, ça ne marche plus du tout. Mais la réplique de Firs, c'est le sens même de toute la pièce. La vie, elle a passé, on n'a comme pas vécu. C'est il est enfermé, il sait qu'il n'y a plus personne, les maîtres l'ont oublié. Et voilà, et la vie, elle a passé, on n'a comme pas vécu. Et nous sommes tous des le rêve se termine et ça, il se dit... Non, il se reproche à lui-même d'avoir oublié de donner sa veste à Gaïev. Donc, propre à rien va, il se dit pour lui-même. Oui, mais c'est pour tout le monde. Nidatiop, c'est le motif central de la pièce. Et il fallait... C'est pour ça que c'était très difficile. Françoise a trouvé ce mot propre à rien, parce que c'est à la fois féminin et masculin. Parce que c'est pour tout le monde. On essaye, mais on n'y arrive pas. On a essayé de vivre... Et lui qui est arrivé à 90 ans, bah c'était quand même très court. Hein. Le personnage de Firs, parce que Tchekhov, il meurt à 44 ans. À 44. Voilà, c'est ce qu'il dit. Voilà, c'est ça. La vie, elle a passé, on n'a comme pas vécu. Et Dieu sait si Tchekhov, il a fait des choses dans sa vie. C'est extraordinaire d'avoir laissé... Je n'avais pas tellement réfléchi jusqu'à présent, mais c'est extraordinaire d'avoir laissé Firs, de l'avoir oublié, parce que ça porte la touche finale au personnage de Lyubov. C'est des gens qui sont pleins de bons sentiments, qui sont pleins de sentimentalité apparente aussi. En revanche, Firs, voilà, il est oublié. On va lui laisser le mot de la fin, mais avant qu'on l'entende, et on se quittera avec cet extrait, avec la fin, puisque vous reparlez de Lyubov, tout au long du texte, les personnages féminins sont souvent décrits comme étant larmoyants, la larme à l'œil, les larmes aux yeux, en train de pleurer. Et en fait, dans une note, apparemment, Tchekhov aurait écrit à un de ses amis en disant « Mais oui, non, mais quand je dis qu'ils ont les larmes, ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de pleurer. » Mais voilà. Ouais, pas du tout. C'est au bord de pleurer. Ouais. Au bord de pleurer. Mais comme... souvent, quand on a une émotion forte, on a les larmes aux yeux. Donc, pour autant, on n'est pas triste, on n'a pas envie de pleurer. Enfin, pour Tchekhov, La Cerisée, c'est une comédie. Hein. Bah oui, mais là, ah bon là, bah oui. Bah oui, c'est ça, propre à rien. Mais là, on écoutait, on avait... Moi, j'avais les larmes aux yeux. C'est pas pour ça que je pleure, c'est pas ça. Mais si les personnages ont des larmes aux yeux, c'est parce qu'ils sont, ils sont juste au bord de... Au bord de quoi? Eh ben, au bord de... Les larmes aux yeux, c'est... Soudain, c'est tout Tchekhov. Comment dire? C'est comme la pause. À des moments, et ils s'arrêtent, ils font rien. Et c'est là pour à quoi ça sert à rien? Les larmes aux yeux, c'est pareil. C'est quand on a soudain une prise de conscience de l'endroit où on est dans l'univers, d'une situation absolument insupportable, de l'incapacité où on est de faire face. Et les larmes montent aux yeux, mais c'est un signe d'émotion extrême. C'est le signe qu'on est à cet instant dans le monde et on le perçoit dans sa totalité. Avec de conscience extrême. De conscience. C'est l'inverse des grands discours, c'est l'inverse de la philosophie. Exactement, mais oui. Philosophie aux larmes aux yeux, choisissez votre camp, voici la fin de la pièce. Oh ma chère, oh ma tendre, oh ma belle cerisée, ma vie, ma jeunesse, mon bonheur, adieu, adieu. Maman! Oh ouais! Une dernière fois, regardez ces murs, ces fenêtres. Notre pauvre maman aimait à marcher dans cette chambre. Ma soeur. Ma soeur. Oh ! On arrive ! Thank you. Fermé. Parti. Il m'a oublié. Ça ne fait rien, je peux m'asseoir là. Léonide André, je parie, il n'a pas mis sa pelisse. Il est parti en manteau. Et dès qu'on a le dos tourné, ah, jeunesse, la vie, elle a passé. On n'a comme pas vécu. Je vais me coucher un peu. T'as plus de force pour gros vieux, hein? Il ne te reste rien. Rien de rien. On ne prend rien, va. Faire sans butor. Il n'a pas su faire sans butor, dites-vous, Françoise Morvan. Merci beaucoup, André Markovitch et Françoise Morvan, d'être revenu nous parler de Tchekhov aujourd'hui. La vie, elle a passé, elle a comme pas vécu, à méditer, mais sans trop de mélancolie. Écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, je vous propose de réécouter quatre moments clés de l'année 2019 vus par la philosophie. Aujourd'hui, vous revenez sur l'actualité qui touche la philosophe Sylvia Nagasinski. Jeudi 24 octobre, devait se tenir à l'université Bordeaux-Montaigne une conférence de Sylvia Nagasinski sur le thème « L'être humain à l'ère de sa reproductibilité technique » qui, on peut l'imaginer, devait reprendre les réflexions de son dernier opus « L'homme désincarné, du corps charnel au corps fabriqué » dans lequel elle expose en partie son opposition à la PMA et à la GPA. Face au communiqué d'associations étudiantes anti-patriarcat LGBT+, trans et non-binaire, communiqué d'ailleurs publié sur Twitter début octobre, qui finissait sur cette phrase « Nous mettrons tout en œuvre afin que cette conférence n'ait pas lieu », les organisateurs ont préféré annuler la conférence pour des raisons de sécurité, d'où ce tollé. Ce qui est en cause, c'est la liberté de penser et la liberté d'expression dans notre pays, garantie par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. On est pour ou on est contre. Il n'y a pas de place pour le « en même temps » dans ce domaine. La France attend que le gouvernement condamne sans réserve l'atteinte portée à nos libertés et surtout prenne des mesures concrètes pour lutter contre la censure est la police de la pensée. Alors ça, c'est pour la réaction du député LR Charles de la Verpillière, mais on pourrait aussi citer les réactions scandalisées à gauche comme au centre, Mélenchon ou Jean-Michel Blanquer, qui a parlé hier d'un nouveau maccartisme, sans oublier les multiples tribunes où il a été question du fascisme universitaire, de liberté d'expression menacée ou de censure. Je ne vais donc pas vous parler aujourd'hui de mon inquiétude face à la montée d'un climat d'intimidation ou de censure. Un tel consensus me rassure plutôt sur l'attachement de la plupart à la liberté d'expression. Ce qui m'inquiète en revanche, c'est cette manie à tout de suite la convoquer, la liberté d'expression, de toutes parts, mais uniquement comme un principe. Que ce soit du côté de figures déjà présentes dans le champ médiatique et éditorial, mais qui se présentent pourtant comme les victimes bâillonnées de la bien-pensance des minorités, ou que ce soit du côté des individus ou communautés invisibilisées et silencieuses qui s'expriment pourtant en bourreauisant, je ne sais pas si ce terme existe, en tyrannisant en tout cas et en cherchant à leur tour à faire taire les premiers. Pourquoi y a-t-il donc un tel renversement entre victimes et bourreaux qui brandissent tous deux pourtant le principe de la liberté d'expression? Et pourquoi en est-on là à discuter de la liberté d'expression au lieu de s'en servir pour dire autre chose que « j'ai le droit » ou « tu n'as pas le droit de t'exprimer » Yes, NUS has a no platform policy. And we've had it since April 1974, and we've still got it now. Because it was voted for overwhelmingly by our membership. At NUS, no platform means that organisations with racist or fascist views will never be allowed to stand in NUS elections or attend or speak at any of our NUS events. Le no-platforming, je ne connaissais pas, c'est le fait d'empêcher une personne dont on juge le discours dangereux de s'exprimer publiquement. Et c'est une pratique courante dans les universités anglo-saxonnes, en témoigne cette vidéo de l'Union nationale des étudiants britanniques. Une pratique surréaliste pour la plupart des Français au vu de cette polémique avec Sylviane Agacinski. Pourtant, je dois dire que j'ai été plusieurs fois confrontée à une parfaite intériorisation de cette méthode ici en France, sans qu'elle ne dise son nom. Combien de fois ai-je pu lire ? Et vous aussi peut-être, au travail ou à la fac, des communiqués appelant au boycott d'un événement. Combien de fois ai-je pu entendre des personnes dire que tel ou tel n'avait pas à prendre la parole car dans le désordre, homme, blanc, surreprésenté et tant qu'on y est fasciste. Et combien de fois, ça va peut-être vous étonner, m'a-t-on demandé comment je pouvais travailler sur la même chaîne qu'Alain Finkielkraut. Et inversement, combien de fois ai-je pu voir aussi ce genre de tollé s'inquiétant de la censure, tollé de la part de ceux qui en ont les moyens d'ailleurs, des personnalités politiques ou des éditorialistes qui en appellent à la liberté d'expression sans se préoccuper néanmoins de tous ceux qui n'ont pas la publicité d'une Agacinski ou d'un Finkielkraut et que l'on n'écoute pas. Alors quel est selon vous le problème, Géraldine ? Eh bien ce qui me paraît drôle, enfin en tout cas peut-être inquiétant, qui m'interpelle, c'est qu'on est si prompte à défendre la liberté d'expression pour elle seule qu'on ne l'exerce pas pour s'exprimer sur autre chose qu'elle-même ou pour condamner qu'on ne s'en serve pas ou trop. Pour dire des choses, on ne s'en sert pas pour dire des choses quelles qu'elles soient et si possible à quelqu'un, quel qu'il soit, qui pourra à son tour s'exprimer de quelque manière qu'il soit. On est si prompte en fait à défendre la liberté d'expression pour elle seule qu'on la rend vaine. Mais comment l'amour des principes peut-il ainsi les vider de leur sens, les réduire à des slogans, des énoncés tautologiques qui s'autodétruisent. Au fond, je me demande de quoi avait peur l'université Bordeaux-Montaigne en annulant la venue de Sylviane Agacinski. Eh bien, peut-être de voir du dialogue, du conflit, des excès même entre des personnes en chair et en os, peut-être de voir la liberté d'expression prendre vraiment forme. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à Colomba Grossi qui m'a aidé à préparer cette émission avec Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Mathieu Tarpin, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Élise Leu qui était à la prise de son ce matin. Merci aussi à Florence Thomas du Théâtre de la Colline qui nous a aidé pour préparer cette émission. Merci aussi à Jacques Hubert qui nous a aidé à sa façon à préparer cette émission. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Profession Philosophe. Ce sera le philosophe et cycliste classé 12e au Tour de France, Guillaume Martin, qui sera au micro des chemins. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, avec qui vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux Instagram, Twitter, Facebook, où l'équipe des chemins de la philosophie sera ravie de discuter avec vous. On se retrouve demain à 10h précise. Nous, on sera là. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture. Thank you.